بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد c'est quoi le dernier باب qu'on a pris après la مراجعة باب التسمية القاضي القضاء قاضي القضاء قاضي القضاء les juges des appellations qui sont là le roi des rois نعم quand bien même ce serait dans une autre langue. Comme l'a dit Sofiane, Thori. Taïb Natroul, un homme de Khuzbabayn, il a dit Dain Kazalik. Rouma Kassiran. Kala, Babu. احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك le fait de respecter et d'honorer les noms d'Allah et de changer le nom pour cela قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اراد المؤلف بيان وجوب احترام اسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص الله بها ولهذا شرع تغيير الاسم لأجل احترامها وتعظيمها Donc le mu'allif il a voulu par là montrer l'obligation d'honorer et de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de prendre garde au fait de les blasphémer et de les rabaisser ou de nommer autre que Allah par des noms qui lui sont propres à lui. Et c'est pour cela que la législation a permis de changer de prénom. Pour toi, tu as un prénom qui est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui porte atteinte au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et il t'est permis de le changer. Ou même autre, changer si tu as un nom qui a, مثلا, une connotation de tazkiya, tu peux le changer. Même si c'est obligatoire quand c'est dans le Bukhari, et également si tu as un nom qui a un sens mauvais car le nom peut avoir une influence sur toi par la suite. Non, donc il n'est pas permis de nommer quelqu'un avec les noms qui sont propres à Allah. Et hier on avait expliqué que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à la qismain ma wa mushtarak wa ma wa khasm bi. Ceux qui sont employables pour d'autres que Allah et d'autres qui lui sont propres à lui seul. Comme Ar-Rahman, مثلاً, ça ne vient que Allah. Rabbul Alamin avait dit, ça ne vient que Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي شريح هو هاني بن يزيد الكندي أنه كان يكنى يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من ولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره وهذا الحديث صححه الألباني وقال في إسناد جيد لكن الشافعي عن التنبيه بعد وصلافة بعد وصل حديث Donc il a dit que yani Abu Shuraih se faisait avoir comme kunya par les gens. Abu al-Hakam. Al-Hakam c'est celui qui tranche, celui qui juge quand même entre les gens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que c'est Allah le hakem. Et c'est à lui qu'on vient le hukm, le jugement. Et lui, il a dit, lorsque mon peuple diverge en quelque chose, ils me viennent me voir, donc je juge entre eux. Et les deux parties agréent. Il a dit ce que j'ai exposé. Et il a dit qu'une bonne chose que celle-ci, le fait de faire un soulh entre les gens. Il dit, et qu'as-tu comme enfant? Il a dit, Shulayh, wa Muslim, wa Abdullah. Il a dit, quel est le plus grand? J'ai dit, Shulayh, qu'on est, fa anta Abu Shulayh, tu es Abu Shulayh. Tu es Abu Shulayh. قبل هذا طاب واسا parole quelle bonne chose que cela ما احسن هذا قال الشيخ ما احسن هذا العمل الذي والاصلاح بينهم وتوسط ليرضوا وتزول الخصومات هذا شيء مطلوب خير donc c'est une bonne chose que quoi de tenter de concilier entre les gens même de faire intercession pour qu'ils agréent tous et que le conflit cesse. C'est une chose en religion à la base qui est désirée. Et c'est un bien. Après, cité parmi les fawaid de ce hadith, قال لا ينبغي احترام اسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك ولهذا غير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح. Donc il a dit quoi? Qu'il revient de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de changer le nom de quelqu'un si jamais il y en a pour cette cause. C'est pour cela qu'il a changé sa kunya de Abu al-Hakam vers Abu Shulayh. Et que le meilleur, c'est de donner une kunya du plus grand des enfants que tu as. C'est le meilleur, mais ce n'est pas l'azim. Tu peux même te prendre une kunya d'un enfant que tu n'as pas. Tu peux avoir des enfants et avoir une kunya d'un enfant que tu n'as pas. Yani Aïcha, kunyatuha, Umma Abdillah, mathalan. Elle n'avait pas d'Abdullah. Abu Bakr, je ne sais pas si elle avait un fils qui s'appelait Bakr. Allahu alam. Je sais qu'il y avait Abdurrahman. Il y avait. Son nom est passé il n'y a pas longtemps, j'ai oublié. Toufail. Après, je ne me rappelle pas, mais est-ce qu'il y avait un Bakr? Je ne me rappelle pas avoir entendu qu'il avait un fils qui s'appelait Bakr. Al-Muhim, que tu peux avoir une kunya, même si tu n'as pas d'enfant. Et même si tu as des enfants, tu peux avoir une kunya qui n'est pas celle de tes enfants. Et chez les salafs, ce qui était le mieux, c'était d'avoir une kunya d'un nom de garçon. Mais c'est pas l'azim. Il y en a qui avaient des kunyas de nom de femme, nom de leur fille. Mais le plus fréquent, c'était les noms de garçon. Et une kunya, nommer quelqu'un par une kunya, c'est un manque de respect envers lui. C'est une marque, à fois. J'ai dit manque. Ça va que les scènes. C'est une marque de respect envers lui. Enfin, d'accord, c'est une marque de respect envers lui. Et ce n'est pas du tout comme une fois un kafir qui avait écrit dans un journal, je crois que c'est le Figaro, un article totalement mensonger sur Demmedj. Nous avons parlé du frère Jamel, Ahmadou Ta'ala. Et il disait que la Kounia c'était un nom de guerre. Un type du Figaro. Il a écrit un article, c'était totalement absurde. Totalement absurde. Et il a appelé la kunya comme étant un nom de guerre. Naam. Naam Ustad, c'est kuffar, franchement. Ba'da hadha qal. Wa fihi shar'iyyatu al-islah bayna an-nas wa annahu shay'un matlubun wa annahu yanbaghi likubara an-nas an yatawassatu baynakumihim fi حل الخصومات حتى لا تبقى الشحنة والعداوة. Il a dit, il y a une chose là qui vient, c'est le fait qu'il est légiféré de concilier entre les gens. On l'a expliqué plus haut. et qu'il revient aux gens qui ont un haut rang d'agir de la sorte au milieu des gens, ceux qui ont une notoriété, qui ont un poids dont la parole est écoutée, qui s'efforcent de concilier entre les gens, afin que l'animosité et ce qui ressemble comme shahana cesse. Et dit également que le fait de faire une conciliation entre eux est meilleur que le fait de faire un jugement entre eux. Les deux sont légiférés. Et parfois, le jugement est impératif. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de sulh. C'est hukm. Dans les hududillah, mesalem. Ce qui est lié aux sentences qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'intercession. Quand même, il n'y a pas d'intercession. Comme avait essayé de le faire Zayd, ou Oussama, pour une femme qui avait volé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a Oussama. En le blâmant, tu viens pour intercéder dans une sentence émise par Allah pour une femme qui devait se faire couper la main, car c'était une femme de haut rang dans un peuple, elle est venue pour cela. Il a refusé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que la personne qui a commis un crime qui mérite un had sur lui, et que son affaire est remontée au hakim, au gouverneur, il n'est pas permis d'intercéder pour lui. Personne ne vient pour intercéder pour lui, c'est pas permis. Khalas, yukam alayhi had, qui qu'il soit. Si jamais c'est avant que son crime ne soit Salen, dévoilé, tu peux essayer de le cacher ou quoi. Mais si une fois que son truc qu'il a commis est reconnu et soit arrivé aux oreilles du hakim et qu'il va lui appliquer le had, il n'y a plus à intercéder pour lui. Là, c'est fini ça. Quand il coupe la main, il a comme ça avec une épée ou c'est. Ouais. Quand il passe par l'hôpital. Hein? De ce que je connais, coupé avec une épée, ouais. Une hache sûrement, ou un truc tranchant, quoi, en fait. Allah alam, c'est ce que j'ai jamais vu, mais je pense que c'est ça, quoi. En tout cas, avant c'était comme ça, maintenant aujourd'hui, est-ce qu'ils font autre chose? Je pense que c'est ça aussi, hein, Allah alam. Taïeb. Donc, et à la base, comme il a dit, la conciliation est meilleure qui met un jugement. Parce que des fois, tu mets un jugement, il y a un haq à donner à quelqu'un. Et l'autre, ça va lui déplaire. Ça peut amener à ce qu'il se renforce encore plus. Donc, si tu arrives à concilier entre les deux, c'est-à-dire chacun essaie de se désister un peu de son droit pour arriver à une conciliation, c'est meilleur. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Sinon, hukm shal'i ma fi shay'in hadha. Mais tant que tu arrives à tempérer et à apaiser les esprits, c'est ce qu'il y a de meilleur à faire. Donc après, il dit quoi? Là, le shir reprend disant que Mouallif, l'auteur, l'apparence c'est qu'il voit ce hadith comme étant une hujja pour son qawl. Et s'en est contenté. Cependant, il y a d'autres hadiths, beaucoup d'ahadiths authentiques qui sont venus, tamam, comme parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Hakam ou Al-Hakim, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas changé. Par exemple, Al-Hakim de Hizam, qui était un sahabi parmi les notables de Quraysh, qui est entré en islam longtemps après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé son nom. Donc là, le chien évoque l'authenticité de ce hadith est remise en question par rapport à ça. Al-Hakim Nasma'illah, mais Al-Hakim Kazalik Nasma'illah. Donc quelqu'un peut appeler son fils. Et il peut se prendre comme kunya, مثلاً, Abu al-Hakim. Ou Hakim. Attends, Hakim ibn Hizam, il n'y a pas elle. C'est Hakim ibn Hizam. C'est pas elle, Hakim ibn Hizam. Non. Donc certains avaient des noms qui revenaient, qui étaient comme le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas changé. Donc là, ce qu'il faut, je pense, le jam entre Adil Akwal, car Charles Femin n'y voit pas pareil, lui. C'est qu'en fait, tu ne fais pas cela avec les noms qui sont propres à Allah et qu'on ne peut employer pour autre que lui. Ava. Wallahu ta'ala alam. Il y a des noms sur lesquels c'est sûr que tu ne peux pas le faire et d'autres, peut-être que c'est discutable. Après les Masa'il, الأحباب لكور اسمه الأخير كذلك قال الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولم يقصد معناه ولو لم يقصد معناه le fait de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs même si tu ne vises pas le sens c'est-à-dire tu appelles quelqu'un pour la beauté du nom en lui-même et non pas pour le sens réel et attribuer cela comme étant un attribut de la personne tu n'as pas à le faire quand même ثانيا تغيير الاسم لاجل ذلك que tu changes le nom de quelqu'un pour cela وثالثا اختيار اكبر الابناء للكنية que tu choisis le plus grand de tes enfants pour la kunya et ça également c'est ce qui est meilleur comme le prouve le hadith mais ce n'est pas lazim هذا ليس بلازم donc respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses sifat et que les noms d'Allah qui lui sont propres il n'est pas permis d'appeler les gens avec ou autres parmi les créatures ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول le fait de rabaisser une chose qui contient l'évocation d'Allah ou du Coran ou le messager sallallahu alayhi wa sallam donc là quelque chose de l'évocation d'Allah ذكر الله Donc là, c'est un bab qui revient à quoi ? À l'istiza bid-din, le fait de se moquer de la religion. Comme cela va apparaître dans les adillah que l'auteur va citer là. Naam. Faqala al-Sheikh ibn Baz. Hadha al-bab li bayan hukm al-mustahzi'in billahi wa bil-Qur'an wa bil-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna hukmahum annahum murtaddun idha kanu muslimin. Wa in istahza' وإن الاستئزاء ردة وكفر Donc il dit là c'est pour montrer justement le jugement sur ceux qui se moquent de la religion d'Allah ou du Coran ou du messager sallallahu alayhi wa sallam et que leur jugement c'est quoi c'est qu'ils sont des apostats s'ils étaient des muslimines et c'est un kafir de base c'est un kafir de base puisqu'il prend un char encore plus grand donc là cette moquerie est de l'apostasie et de la mécréance فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَأْخُدُوا وَنَلْعَبُ Donc l'auteur, il dit, si jamais tu leur demandais, pourquoi ils ont dit cela, ils diront certainement, nous ne faisions que plaisanter et bavarder. ثُمَّ يَكُولُ فِي الْنَفْسِ آيَا لَا تَعْتَذِرُوا فَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ Ne vous excusez pas, vous êtes certes mécru après avoir eu la foi. Donc là, le verset qui vient après te démontre qu'il a dit, Pourquoi des kafartum ? Vous avez mécru. Pourquoi ? Pour cette moquerie qu'ils ont eue comme cela va arriver dans le hadith. Wa an ibn Omar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zayd ibn Aslam wa Qatada dakhala hadith ba'dhum fi ba'd. Annahu qala rajulun fi ghazwat Tabuk ma ra'ayna misl قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنان ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لن لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديث ركب نقطع به عنا الطريق فقال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا بساعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وين الحجاره تنكب رجليه وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون شبيس إلا قد كفرتم وقد قد كفرتم بعد إيمانكم ما طبعا شكرا شفين نهو سكد عطان طلع جدي فقد يبقى فا سكد نعم قد كفرتم بعد إيمانكم Donc selon Ibn Omar et Mohammed, Ibn Ka'b, Zayd, Ibn Aslam et Qatada, dont les hadiths se sont mélangés, qu'un homme, dans la bataille de Tabouk, il a dit, nous n'avons pas vu comme ces Qurra, là ce sont les ceux qui les ont Qur'an. Les ulama, les fuqaha, comme ceux-là, avoir de plus gros ventres et de langues plus mensongères que ces gens-là. Et nous n'avons pas vu plus peureux qu'eux lors de la rencontre, c'est-à-dire avec l'ennemi. Et visé par là qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les Qurra. Donc Aouf ibn Malik lui a dit, tu as menti, cependant tu es un munafiq, un hypocrite, et je vais certainement en informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'est rendu auprès de lui et l'a informé. Il a vu que le Coran avait déjà devancé, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déjà au courant. Après, cet homme s'est rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, était déjà sur sa chamelle. Et lui dit, oh messager d'Allah, nous ne faisons que bavarder le hadith du chemin. On ne peut pas passer le temps dans le sens. Et Ibn Omar le dit, c'est comme si tu le voyais encore s'accrocher au règne de la chamelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en marchant sur les pierres. C'est comme si genre il marchait, il trébuchait sur les pierres, mais bon. Mais tellement il était apeuré que ça, il ne s'en rendait pas compte et il continuait sur sa prise des rênes et à parler, à chercher à s'excuser. Et il dit, nous faisions que discuter et plaisanter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce d'Allah et de ses versets et de ce messager dont vous moquiez? Et ne s'est même pas retourné vers lui. Voyez, c'est pas retourné vers lui, ne regardez pas en disant cela. Il n'a rien ajouté sur cela. Donc là, dans ce hadith, cet homme en effet était un munafiq. Donc là, il a qualifié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba comme étant des peureux, comme étant des grands mangeurs et comme étant des menteurs. Ça, c'est un tourne dans leur adala là. Et ça, c'est du kufr. Insulter les sahaba, alors que dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour leur religion ou quoi, ça, c'est du kufr. Il y a dedans le fait que lorsque Ka'b ou Aouf lui a dit, certes tu es un menteur, tu as menti, cela démontre qu'il faut blâmer le Munkar lorsque tu l'entends. Et que tu tentes de l'en empêcher tant que tu le peux. Surtout dans ce genre de Munkarat qui sont azima, comme celle-ci qui le tente dans le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Qui renferme une insulte envers Allah et son messager, sa religion. Donc là, le Coran nous démontre que celui qui se moque de la religion, cela amène à ce qu'il apostasie si jamais c'est un musulman. Et cette moquerie, bien évidemment, elle est sous condition que tu saches que la chose dont tu te moques fait partie de la religion. Ne serait-ce que le siwak, ne serait-ce que la barbe, ne serait-ce que le kamis nécessaire, hein, à mi-mollet, tu te moques de cela pour la religion et tu sais que c'est la partie de la religion. Ce jugement, yani, est un alokbik. Tu te moques du hijab de la femme. Alors que dire de se moquer du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam directement ou du Coran directement? Cela est encore plus grave. Quand bien même se moquer d'un musulman, voire même d'un alim, pour ce qu'il porte, pour ce qu'il représente de la religion, pas pour sa personne en lui-même, mais pour ce qu'il représente comme emblème de la religion, ça rentre dedans. Par exemple, demain, un frère pieux, Moustaqim, même un qui n'est pas pieux, mais tu te moques de lui pour son tamassouk bid-din, pour Rélez Alika, allez, trouve Fiyad al-Bab. Par exemple, il y en a, Narsha alayhim n'hava, ceux qui disent, pour les ulama de la sunna, ulama al-hayd, qu'ils appellent les ulama des monstrues. Ça, c'est un torn. Ils veulent dire quoi par là? Ça, c'est un torn qui revient à leur din. Ça revient à tomber dans l'ordine. Ou ceux qui se moquent du hijab de la femme. En la comparant je ne sais quoi. Et ce genre de comportement, seul un munafiq peut les avoir. Un mu'min ne peut pas avoir ça en lui. Il y a une chose, un ta'zim min sha'a'ilillah qui l'empêche de dire ce genre de choses, de ce genre de paroles. Donc là également, il y a une preuve que ce n'est pas tout le temps le rifq qu'il faut avoir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, il a peu de rahma pour lui, cet homme-là. Il ne l'a pas excusé, il ne l'a même pas regardé, il n'a même pas fait attention à lui. C'est-à-dire, le jugement, il était décisif sur lui. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était connu pour parler avec rifq et douceur à la base. Et quand il faut être sévère, il était sévère. Quand même, comme quand tu as Aïcha. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولكن زد احتوزكت حدود الله وفي هذا المعنى il ne se mettait pas ou se vengeait pas pour lui-même, il se mettait en colère lorsque les limites d'Allah étaient enfreintes. Et laquelle limite? Limite de l'iman qui ont été enfreintes. Ou quelqu'un qui se moque du Coran, كذلك, d'un verset, كذلك, d'un harf du Coran, كذلك, et il sait que c'est du Coran. Et que dire quand ce sont des koufars qui font des caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'après les gens portent leur nom. Je suis Charlie. Ashtazumna hada. Des gens insultent le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, insultent le Coran ouvertement, le représentent et l'insultent et le rabaissent, le dénigrent. Et après des gens, par compassion pour ces gens-là qui ont été tués, et qu'on demande à Allah de les maudire, même si on blâme la façon de faire, ces gens, parmi les gens de l'islam, je parle, hein, ils disent « Je suis Charlie. La ilaha illallah. » Il y a d'autres qui pleurent sur eux. Certains disent qu'ils sont au paradis, ces gens-là. Alors que ce sont des koufars asli. Donc eux, « Narchan yulhaq bihim hadha al-hukm » de ridda et muzaharat Al-Kuffar, le fait de soutenir les Kuffar, alors qu'à la base, ils ont tort à 100%. Ils ont tort à 100%. Donc la moquerie de leur, envers la religion, c'est parmi les Nawaqid de l'islam. Tu as déjà fait le Nawaqid de l'islam, je suppose. Dans ces cités. Istihza bid-din. Donc toute chose qui est liée à la religion, tu t'en moques en sachant que cela fait partie de leur religion, quand même, ce jugement s'applique. Wali'adhu billah. نخوض المسائل قال الأولى وهي العظيمة أن من حزل بشيء وبهذا فهو كافر une personne qui aura rabaissé cela c'est un mécréant c'est-à-dire une chose de la religion الثانية أن هذا وتفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان que ça c'est le tafsir du verset pour celui qui aura agi de la sorte, qui qu'il soit. Al-Thalitha, al-Farq bayna al-Namima wa al-Nasiha lillahi wa rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam. La différence qui est entre al-Namima, la calomnie et le conseil pour Allah et son messager. Pourquoi? Car Auf, quand il a fait cela, ce n'était pas pour faire la Namima. C'était pour dévoiler le mal de cet homme-là. Nasihatan lillahi wa rasoulihi, pour défendre la religion. Ça, c'est obligé de le faire. Dis pas, ouais, tu aurais dû le cacher, le conseiller. Ça, tout comme ça, il n'y a pas. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé? Est-ce qu'il lui a dit pourquoi tu as fait cela? C'est l'autre qui est venu pour le voir pour dire j'ai fait, il ne l'a même pas regardé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connu quand les sahabas faisaient des choses, ils disaient pourquoi tu as fait cela? Ma hamalaka ala hadha. Là, il ne lui a pas demandé pourquoi. Directement, le jugement est tombé. Ce qui montre que dans ce bab-là, il n'y a pas de rose. Bidjahel. Le seul gel que tu pourras avoir là-dedans, l'ignorance, c'est que tu ne sais pas que ce dont tu te moquais fait partie de la religion. Ah, mais tu sais que c'est partie de la religion, tu te rigoles, tu dis, je savais pas que c'était du kouf. Ça, c'est pas accepté, ça. Car à la base, tu aurais un imam de iman, tu n'aurais pas pu faire cela. Tu n'aurais pas pu faire cela. Donc la masala du ros bil gel, elle a un tafsil. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Après, ça revient au cas par cas et à la situation. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas d'excuse. Surtout dans ce qui est le tawhid. Après, il faut voir le cas de la personne. S'il était ignorant, dans quoi il a évolué, est-ce qu'il connaissait ce dont il parlait. Et il y a d'autres masailles qui sont claires. Comme le fait de se faire un soujou de Rélillah, c'est pour se répondre à Allah, Kazalik, quelque chose comme ça, c'est des choses qui sont claires, à la base. رابعا الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. La différence qui est entre le pardon que Allah il aime et la sévérité à faire preuve envers ses ennemis. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. Et que parmi les excuses, certaines ne sont pas acceptables. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté de lui. Mais par contre, certains ont été pardonnés parmi eux. Certains d'entre eux parmi ces gens-là qui étaient avec eux, avec lui, ont été pardonnés. Car quoi que tu aies fait comme apostasie ou quoi, la tauba elle est là. Tu peux faire tauba de cela. Mais lui, yadoul ala nau kana munafiqan. Sa tauba c'est juste la crainte d'être dévoilé. Yadhara munafiquna. Que les munafiqoun craignent qu'un verset ne descende pour dévoiler ce qu'il y a dans leur cœur. Non. Là, c'est le délai qu'on a pris aujourd'hui. Respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et la moquerie envers la religion. Bien d'un actafi, walhamdulillah rabbil alamin.